إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers frères et sœurs, nous nous retrouvons en cette soirée pour terminer ensemble la lecture des hadiths mentionnés par Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans le chapitre du repentir de son livre « Les jardins des vertus ». Nous en sommes donc au 10e hadith et il a dit « وعن أبي نجيد عمران ابن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما » D'après Abu Nujayd, Imran ibn al-Husayn al-Khuzai, qu'Allah les agrée, « Anna mra'atan min Juhayna atat Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa hiya hubla min al-zina. » Une femme de Juhayna est venue au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle était enceinte suite à la fornication. « Faqalat, ya Rasulallah, أصبت حدا فأقمه علي. Elle lui dit, ô messager d'Allah, j'ai commis un acte m'exposant à une peine, alors applique-la sur moi. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها. Le prophète صلى الله عليه وسلم fit venir son tuteur, فقال, il lui dit, أحسن إليها. Sois bienfaisant envers elle. فإذا وضعت فأتني. Puis une fois qu'elle aura accouché, amène-la moi. Fa'fa'al, il fit donc ce qui lui avait été demandé. Fa'amara biha Nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam. Fa'shuddat alayha thiyabuha. Thumma amara biha farujimat. Puis une fois qu'il la ramena, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'on lui attache ses vêtements et qu'on la lapide. Thumma salla alayha. Puis il pria sur elle. Fa'qala lahu Umar. Omar lui dit alors, « Tu salli alayha, ya Rasulallah, wa qad zanat. Tu pries sur elle, ô messager d'Allah, alors qu'elle a commis la fornication. » Qal, « Laqad tabat, tawbatan, law qusimat bayna sab'ina min ahli al-Madina, la wasi'athum. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, « Elle s'est certes repentie d'un repentir qui suffirait à 70 personnes des gens de Médine si on le partageait entre eux. Wa hal wajadta afdal min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jal. Et trouves-tu quelque chose de plus méritoire que le fait qu'elle ait sacrifié sa personne pour Allah azza wa jal? Rawahu Muslim. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Une fois de plus, on voit dans ce hadith que si une personne se repent d'un repentir sincère, en remplissant les conditions du repentir, alors son repentir est accepté, quelle que soit la gravité de son péché. Regardez ici cette femme qui a commis ce grave péché, qui fait partie des péchés majeurs, et qui se trouve enceinte suite à ce péché. Elle vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il lui inflige la peine légale légiférant en islam. Et dans d'autres narrations, on trouve qu'elle lui a dit « Purifie-moi ». Et ceci nous démontre que l'application de la peine légale est en réalité une purification et une expiation pour celui qui l'a subi. Elle souhaitait donc se faire purifier. Et bien sûr, ceci est seulement la responsabilité du détenteur de l'autorité et non des individus au sein des sociétés. Et ici, comme cette peine ne pouvait pas être appliquée sur elle durant sa grossesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit venir son tuteur afin de lui ordonner ce qui lui incombait dans cette situation. Et il commença par lui dire « Sois bienfaisant envers elle. » Subhanallah. Elle vient de lui faire savoir qu'elle a commis ce grave péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait venir son tuteur et lui dit « Sois bienfaisant envers elle. » Regardez ici la bienveillance et la compassion du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cette femme qui a commis ce péché gravissime, mais qui est venue à lui repentante de ce péché. Il ordonne donc à son tuteur d'être bienfaisant envers elle, et ce pour deux raisons. La première est la crainte que ses proches s'en prennent à elle, car cette action est pour eux une cause de déshonneur. Et ce déshonneur pourrait les pousser à lui causer du tort, à être mauvais envers elle en la frappant autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc enjoint la bienfaisance envers elle afin de les mettre en garde contre cela. Elle a fait un péché gravissime, mais elle s'est repentie. Il ne faut donc pas être injuste envers elle, ni lui causer du tort, car sinon, c'est eux qui seront dans le péché. La deuxième raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'être bienfaisant envers elle, comme l'ont mentionné les gens de science, c'est par miséricorde et clémence envers elle, étant donné qu'elle s'est repentie. Il a donc encouragé la bienfaisance envers elle, car les gens ont généralement de la répulsion pour une telle femme, au point de lui faire entendre des paroles désagréables ou autre chose semblable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc interdit tout cela, et il a ordonné d'être bienfaisant envers elle. Et ceci est une des leçons les plus immenses à tirer de ce hadith. Que le péché passé d'une personne ne te pousse pas à être mauvais envers cette personne, alors que celle-ci s'est repentie d'un repentir sincère et a totalement délaissé ce péché. Tu dois prendre garde à cela et ne pas être injuste envers les gens. Donc suite à cela, cette femme fut ramenée au prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'accouchement. Mais il est rapporté dans d'autres narrations qu'il lui a encore ordonné de repartir avec l'enfant et de l'allaiter jusqu'à le sevrer. Une fois l'allaitement terminé, elle revint encore à lui et la peine légale fut appliquée sur elle. Et on voit dans le hadith qu'ils ne l'ont appliquée qu'après avoir pris soin de bien attacher et nouer ses vêtements, afin que son corps ne se découvre pas au cours de l'application de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria sur elle, c'est-à-dire la prière mortuaire. Et Omar, radiyallahu anhu, de s'étonner de cela étant donné la gravité du péché qu'elle avait commis. Mais celle-ci s'était repentie d'un repentir sincère. Et celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas commis de péché. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, elle s'est certes repentie d'un repentir qui suffirait à 70 personnes des gens de Médine si on le partageait entre eux. C'est-à-dire que son repentir était si immense et si sincère que s'il était partagé entre 70 personnes qui auraient toutes péché, alors ce repentir leur aurait suffi, et ce repentir leur aurait été profitable. Et parmi les choses nous démontrant la sincérité de son repentir, il y a le fait qu'elle se soit livrée et qu'elle ait sacrifié sa personne pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et se délivrer du poids de son péché. Il n'y a pas de doute que ceci est un acte très méritoire qui nous démontre sa sincérité dans son repentir et son désir de se voir purifié et pardonné, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée et soit satisfait d'elle. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné un 11e hadith et il a dit « وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه. D'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agré ainsi que son père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'enfant d'Adam possédait une vallée d'or, il aimerait en posséder une deuxième. Or, sa bouche ne se remplira que de terre, et Allah accueille le repentir de celui qui se repent. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre la convoitise de ce bas monde et contre le fait de désirer excessivement posséder ses biens éphémères, car ce désir est un désir qui n'a pas de fin. Plus la personne en possède, plus elle en voudra, et plus elle fera des efforts pour les acquérir par tout moyen. Il n'y a qu'à observer la situation des gens riches pour constater cela. Celui qui possède une vallée d'or aimerait en posséder une deuxième et ainsi de suite. Or, sa bouche ne se remplira que de terre. C'est-à-dire qu'une fois mort et enterré dans sa tombe, sa bouche sera remplie de terre, de laquelle il sera recouvert, et il sera séparé de toutes ses richesses qu'il possédait. Il sera seul avec ses œuvres, et c'est à ce moment qu'il se rendra compte de la vraie valeur de ces choses qu'il désirait et pour lesquelles il s'est peut-être détourné des œuvres de bien et des bonnes actions qui auraient pu se trouver à ses côtés durant ce moment difficile. Chacun se rendra compte de la valeur de ce bas monde une fois dans sa tombe. Aucune richesse ne sera auprès de toi, ni aucun de tes proches, mais tu seras seul avec tes œuvres. Et ceci est une exhortation pour nous tant que nous sommes vivants, afin que celui qui sait de sa personne qu'il est éprouvé par cette convoitise, par ce désir excessif de rassembler des richesses dans ce bas monde, qu'il puisse se repentir. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine en disant « Et Allah accueille le repentir de celui qui se repent. » Il dit cela car généralement, celui qui est éprouvé par la convoitise et la cupidité, il sera souvent tenté d'outrepasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. En raison de son désir d'amasser des richesses et des biens de ce bas monde, il se peut qu'il tombe dans des transactions usuraires. Il se peut qu'il mente pour conclure une vente ou un achat. Il se peut qu'il trompe. Il se peut qu'il néglige ses obligations et ainsi de suite parmi les péchés commis par ceux qui n'ont pour désir que de s'enrichir. Bien souvent, ils ne respectent pas les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et oublient tout lorsqu'il s'agit d'argent. Lorsqu'il s'agit d'argent, on ne peut pas les exhorter. Lorsqu'il s'agit d'argent, il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus de akhi, il n'y a plus de urti, en raison de cette cupidité et de cet attachement au bien de ce bas monde. Et de la même manière, ceux qui sont éprouvés par cette maladie auront souvent des manquements dans leurs obligations concernant ces richesses. Il se peut que certains fassent preuve d'avarice et qu'ils ne dépensent pas pour ceux qui sont à leur charge alors qu'ils en ont les moyens. Et ça, c'est surprenant de voir les personnes riches qui sont souvent les personnes les plus avares et qui ne veulent rien donner et qui ne veulent rien dépenser. Il se peut aussi qu'ils ne versent pas la zakat obligatoire par amour de cet argent et de ses richesses. Il n'y a pas de doute que ceci est un grave péché. Malgré cela, notre Seigneur, comme vous le savez, est Tawwab. Il est le grand accueillant au repentir. Et quels que soient les péchés dans lesquels ait pu tomber cette personne, Allah accueille le repentir de celui qui se repent. Si ce dernier remplit les conditions du repentir, qu'il cesse ses péchés auxquels l'ont conduit sa cupidité, qu'il a des regrets, qu'il a la ferme volonté de ne plus y revenir, qu'il répare les torts causés si des torts ont été causés. Alors Allah subhanahu wa ta'ala accueille son repentir et l'accepte. Donc en résumé, ce hadith nous met en garde contre la cupidité et le désir excessif des biens de ce bas monde. Et il nous invite à nous repentir de tout péché commis pour cela. Et celui qui se repent, alors Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir. Enfin, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un 12e hadith et il a dit « وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. » D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agré, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit « Allah rit de deux hommes qui entreront tous deux au paradis alors que l'un a tué l'autre. يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل. Le premier combat sur le sentier d'Allah et se fait tuer. ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. Puis Allah accorde le repentir au tueur qui entre en islam et meurt en martyr. متفقون عليه. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. رحمهم الله تعالى. Subhanallah, méditez sur la situation de ces deux hommes. L'un est musulman et l'autre est mécréant. Ils se détestent, ils se combattent, et le mécréant tue le musulman, qui meurt donc en martyr, et aura le paradis. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala accorde le repentir au tueur. Il entre en islam, il se repent et il meurt à son tour en martyr. Ils entreront donc tous deux au paradis. Et bien qu'ils se détestaient dans ce bas monde, ils n'auront plus aucune rancune l'un envers l'autre dans l'au-delà. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet des gens du paradis « وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ » Et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine. Ils seront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits. C'est donc pour cela que notre Seigneur le Très-Haut rit de la situation de ces deux hommes, qui est une situation surprenante. Et le rire fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le démontre ce hadith. Il est donc obligatoire pour nous de l'affirmer, bien sûr d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Rien n'est semblable à lui, et il est As-Sami' al-Basir, il est celui qui entend et qui voit. Nous affirmons donc cet attribut comme tous les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans le renier, sans le comparer aux attributs des créatures, sans chercher à en connaître le comment, car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informés du comment, et sans donner à cet attribut une fausse interprétation, un sens contraire, à son sens apparent, comme le font certains parmi les gens de l'innovation qui disent que le sens du rire est l'agrément ou autre. Et c'est pour cela qu'on va trouver certaines traductions erronées de ce hadith. Car certains traducteurs vont modifier et altérer le sens de ce hadith, peut-être en se basant sur certaines explications erronées. Et on voit ici, une fois de plus, que la traduction est une responsabilité, et que c'est pour cela que nous mettons sans cesse en garde nos frères et sœurs contre le danger de lire des traductions dont ils ignorent l'auteur, ainsi que son suivi au nom de la sunnah. Nombreux sont ceux ces dernières années à s'être lancés dans la traduction après avoir suivi un court cursus en langue arabe. Mais le fait de comprendre quelque peu la langue arabe et la langue vers laquelle tu traduis, en l'occurrence ici la langue française, n'est bien souvent pas suffisant pour se lancer dans la traduction. Car il est nécessaire que le traducteur ait un minimum de science au sujet du domaine de ce qu'il traduit. Et si celui-ci n'a pas étudié, qu'il n'a pas de connaissances dans la croyance, dans les terminologies religieuses et ainsi de suite, alors il risque bien souvent de proposer des traductions qui sont erronées. Et ceci est un grand danger pour lui-même, car il porte un fardeau sur ses épaules en propageant ce genre de traduction, et un danger pour ceux qui le lisent, qui risquent d'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses qu'il n'a pas dites, ou qui risquent, en raison d'une traduction, d'adopter une croyance contraire à la croyance des gens de la sunnah. Donc une fois de plus, barakallahu fikum, je vous mets en garde ici, comme la plupart de mes frères parmi les étudiants et les prédicateurs vous ont déjà mis en garde, contre le fait de consulter les sites gérés par des gens inconnus et les comptes sur les réseaux sociaux gérés par des gens inconnus, dont vous ignorez bien même souvent le nom et d'autant plus les aptitudes. Et alhamdoulillah, il y a aujourd'hui un nombre de supports suffisant parmi les supports proposés par nos frères salafis étudiants en sciences et dignes de confiance, qui nous permettent de nous passer de toutes ces traductions et toutes ces publications que l'on trouve aujourd'hui en masse sur ces réseaux, et qui ne font en réalité qu'éparpiller les gens, et bien souvent les détourner de la réelle étude religieuse auprès des gens de science. Quoi qu'il en soit, on voit dans ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala rit de la situation de ces deux hommes qui entreront tous deux au paradis. Et ce hadith est donc une preuve que lorsque le mécréant se repent de la mécréance et qu'il entre en islam, ses péchés passés sont pardonnés, car l'islam efface ce qui le précède, comme il est venu dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait que l'auteur ait terminé ce chapitre par ce hadith nous indique qu'il convient à l'homme de se repentir du péché qu'il a commis, même si c'est un grand péché. Et ceci ne doit en aucun cas te faire désespérer de la miséricorde d'Allah. Car Allah est Tawwab, il est le grand accueillant au repentir, et il est Ar-Rahim, le très miséricordieux. Même si le péché est grave, comme les grands péchés ou les péchés commis de manière abondante, qui sont nombreux, si le repentir est sincère et qu'il est accepté par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ce péché ne sera rien, il sera effacé. Et Allah subhanahu wa ta'ala disserte dans son noble livre, « Inna rabbaka wasi'ul maghfirah ». Certes, le pardon de ton Seigneur est un pardon immense. Donc pour conclure, nous voyons que ces hadiths nous démontrent tous que le repentir fait partie des obligations les plus importantes et il fait également partie des plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Car il a accordé à celui qui fait un faux pas ou qui a certaines faiblesses ou certains manquements une issue lui permettant de se délivrer du poids de ses péchés. Et cette issue est le repentir, le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois jamais penser qu'il n'y a plus d'issue, que tu as été trop loin dans le mal, que tu as été trop loin dans les mauvaises actions. Non. Quels que soient les péchés que tu as commis, et quel que soit le nombre de péchés que tu as commis, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert devant toi la porte du repentir par sa grâce et sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Tu n'as plus qu'à emprunter le chemin du repentir et revenir à Allah d'un cœur repentant. Même celui qui commet le plus grave des péchés qui est le shirk, le polythéisme, qui a donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, il peut se repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de celui qui se repent à lui. Et on a déjà mentionné à plusieurs reprises la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 53 de Surat Az-Zumar lorsqu'il dit « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés et il est certes pardonneur et miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés à celui qui se repent. Et il est pardonneur et miséricordieux pour celui qui se repent. Attention à ne pas penser que, sous prétexte qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il est pardonneur et miséricordieux, qu'on peut se laisser aller dans les péchés. Non, il est pardonneur et miséricordieux pour celui qui se repent. Reviens donc à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as commis des péchés, ne désespère jamais de son pardon et de sa miséricorde. Mais empresse-toi de te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de celui qui se repent et que celui qui se repent d'un repentir sincère est comme celui qui n'a pas commis le péché. Il est donc obligatoire pour chacun d'entre nous de donner de l'importance au repentir, de veiller sans cesse à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous arrive de faiblir et de ne pas nous entêter et ne pas persister dans les péchés ni reporter ou retarder le repentir. Car, comme on l'a vu, on ne sait pas lorsque la mort viendra et lorsque la mort arrivera, il sera trop tard pour se repentir. Et on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Donc dès que tu faiblis, reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, délaisse le péché et des regrets pour le passé et prends la ferme décision et aie la ferme volonté de ne plus jamais commettre ce péché. Et si tu fais cela, alors Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera et acceptera ton repentir. Nous avons donc terminé, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le chapitre du repentir de ce livre immense, Les Jardins des Vertueux, et le chapitre suivant concerne la patience, et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera l'occasion de pouvoir le lire ensemble sur cette radio à l'avenir, bi'inni ta'ala. On va donc s'arrêter là. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi et du diable et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakum allahu khayra.